La lettre de Paul. Cher monsieur, je vous remercie de votre bon accueil. Je garde un excellent souvenir de mon séjour à Plainchamp. J'espère qu'un jour vous viendrez nous rendre visite à Québec. Encore une fois, merci. Bon souvenir de Paul.